Maman revient pauvre orphelin, de Jean-Claude Grimbert. Michel Bouquet, Christiane Coendi, André Dussolier, Victor Garivier, André Wilms, réalisation Georges Perroux. Maman. Maman, où tu es? Maman. Maman. J'ai mal. Maman, tu n'es pas dans ton fauteuil? Elle n'est pas dans son fauteuil. Ta télé n'est pas ouverte? Sa télé n'est pas ouverte, même pas le transistor. Maman, où tu es? Maman! Maman! Pourquoi cries-tu? Je cherche maman. Ta maman n'est plus là. Où elle est? À ma droite. À ta droite? À ma droite. Qui es-tu, toi? Pourquoi je ne te vois pas? Parce que... Parce que quoi? Parce que je suis Dieu. Dieu? Dieu. Alors tu existes? Comme tu vois. Alors toute ma vie, je me suis trompé? Comment ça, mon petit? J'ai cru que tu n'existais pas. L'important, c'était de croire. J'avais tort, les autres avaient raison. Ce n'est pas parce que tu avais tort que les autres avaient raison. Dis-moi. Quoi? Quel genre de Dieu tu es? Un Dieu parmi les dieux, qui tente de faire de son mieux, mais qui peut peu, et hélas fait moins encore. Tu n'es pas tout à fait Dieu, alors? Je suis ton Dieu. Disons, ton Dieu privatif. Ah! Fais un vœu. Un vœu? Oui. Qu'est-ce que tu veux le plus? Revoir maman. Très bien. Assieds-toi et attends. Sois bien sage. Maman revient, pauvre orphelin. Maman revient, pauvre orphelin. Maman revient, pauvre orphelin. Maman, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Tu reviens des commissions? D'où veux-tu que je revienne? Il y a quelque chose pour moi? Pour qui veux-tu que ce soit? C'est quoi? Des pommes de terre, de la semoule de blé dur, du gros sel, du sucre en poudre, du vermicelle, des coquillettes. Miam, miam. Tiens-toi droit. Maman. Maman est fatiguée. Mange proprement. Maman. Tu as mouillé ta culotte? Maman. Ne mets pas tes coudes, ne mets pas tes doigts. Maman. Tu as fait tes devoirs? La petite commission, la grosse? Couche-toi, dors. Maman. Prends avec tes deux mains. Maman. Avec tes deux mains, ta main droite, ta main droite. Maman. Ne cours pas, reste assise. Tu vas te salir, tu vas tomber. Maman. T'as mis ton cache-nez, ton béret, ton capuchon, tes semelles en peau de lapin? Maman. Maman n'en peut plus. Redresse-toi. Mange tout, tiens-toi droit. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Maman! Qu'est-ce que les voisins vont dire? Maman! Ne crie pas! Maman! Ne pleure pas! Maman! Ne bouge pas! Maman, la dame à l'école a dit que je devais prendre des granulés. Quelle dame ? La dame qui est venue. Elle m'a touché là. Et elle a dit qu'il n'y en avait qu'une. De quoi je me mêle ? C'est qui, cette dame, pour te toucher là ? On l'appelle docteur, maman. De la Croix-Rouge. Elle va t'écrire au sujet des granulés. La bourse d'à côté est vide, elle a dit. Il n'y en a qu'une de descendue. Les granulés feront descendre l'autre. Ils tomberont droit dans la vide. Et après, elle sera pleine. C'est la Croix-Rouge qui dit que t'en as qu'une ? Maman, on est trois dans la classe à en avoir qu'une. La maîtresse a dit ses rapports à tout ce qu'on a souffert pendant la guerre. Il y en a un, les granulés vont pas suffire. Va falloir l'opérer, elle a dit comme ça à la Croix-Rouge. Tellement qu'il a souffert pendant la guerre. Et puis, faut que je porte un appareil dentaire. Un bandage hernière, les lunettes de vue et des semelles pour les pieds qui tournent en dedans. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Dieu, Dieu, Dieu ! Ça va pas, ça ! Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Ma maman ! C'est pas ma maman ! Qu'est-ce qu'il y a au juste qui ne va pas, dites-moi ? Vous, qui êtes-vous ? Dieu ? Je suis l'anesthésiste, votre anesthésiste. Alors, le cœur, le foie, le sang, les bronches, les poumons, tout ça, ça va, non ? Vous allez me faire quoi ? On va vous opérer, mon petit monsieur. Mais puisque le docteur de la Croix-Rouge a dit que les granulés suffisaient... Je ne connais pas le docteur de la Croix. Rouge. Votre cas, osons le dire, est sinon désespéré, du moins fort loin des granulés, croyez-moi. Mais puisque le docteur... De la Croix, rouge ou bleu, n'est pas dans ce service. On va tenter de vous la gonfler avec du silicone, puis au laser nous la colmaterons, avant de vous retirer le silicone, et de vous la regonfler au gaz, puis nous la reboucherons définitivement. Vous voyez, les ennuis sont pour nous. Vous, vous n'aurez qu'à rester allongé sur le ventre, pépère. Non, non ! Dieu ! Dieu ? Oui, Dieu ! Je veux voir Dieu ! Tout à l'heure, j'ai fait un vœu, mais ça n'a pas collé. Vous n'auriez pas abusé des analgésiques, voire des barbituriques ? Je vais vous faire un lavage d'estomac, moi. Non ! Non ! Il est venu. Qui ? Dieu. Vous l'avez vu ? Non, j'ai entendu sa voix. Vous avez entendu sa voix ? Comme j'entends la vôtre. Je voulais revoir maman, mais pas celle de tout à l'heure. Pas la méchante. Une maman n'est jamais méchante. Celle-là était méchante. Non, non. Elle avait peur, sans doute. Peur ? Peur. De quoi ? De tout. Peur pour vous. Votre cas est quasi désespéré. De plus, une opération comme ça à votre âge est bien propre à effrayer une maman qui, si je ne m'abuse et selon les règles de calcul les plus élémentaires, ne doit pas être elle-même dans sa première jeunesse. Justement, je vais la revoir, assise dans son fauteuil, devant sa télé. Bon, bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais transmettre à l'échelon le plus élevé. Reste là, bien calmement. Maman revient. Maman revient, pauvre orphelin. Maman revient. Maman revient. Maman revient, pauvre orphelin. Maman revient. Maman ? Maman ? Tu regardes la télé, son coupé ? Maman, mets ton appareil. Maman, mets ton appareil. Ouh ! Je suis là, maman. Ton appareil, mets-le. Maman ! Ah, c'est toi. Ton appareil. Il siffle. Règle-le. Il n'y a plus de piles. S'il n'y avait plus de piles, il ne sifflerait pas. Tu m'as pas acheté de piles. Mets les deux mains, maman. Règle. Règle-la. Tiens-toi droite. Redresse-toi. Tu vas tomber de ton fauteuil. Quoi ? Tu veux que je remette le son ? Pour ce qu'il y a de bien... Tu m'as vu hier soir ? T'es venu hier soir ? Non, à la télé, tu m'as vu ? Non. Je t'avais dit, maman, mardi. T'es venu mardi ? Non, dimanche. Je t'ai dit, mardi, il y a un débat. Ah oui, j'ai dû voir le début du débat. Moi, je parlais à la fin, maman. J'aime pas les débats. Mais celui-là, maman, je t'avais dit que j'y parlerais. Quand ? Dimanche. Dimanche, il y avait un débat ? Non, hier, mardi, j'ai parlé dans un débat. De quoi ? Je t'explique, maman. De quoi t'as pu parler ? Justement, de tout ce qu'on a souffert pendant la guerre, maman. De tout ce que j'ai souffert. Mais j'étais là, maman, j'étais là. De tes bébés. Les bébés souffrent aussi, maman, les bébés souffrent aussi. J'ai mal, maman, j'ai mal partout. Dimanche ? Non, pas dimanche, mardi. Tu viendras pas dimanche ? Si, maman, je viendrai dimanche. Dimanche, ils donnent toujours du lapin à la moutarde. Chez nous, le dimanche, c'était du poulet rôti qu'on faisait rôtir chez le boulanger avec des pommes boulangères. Oui. Tu te souviens ? Demande-leur. Que je leur demande quoi, maman ? Du poulet rôti le dimanche, à la place du lapin à la moutarde. Je leur demanderai. Bon. C'est bon, le lapin à la moutarde, j'aime maman. J'aime pas ça, je déteste ça. Le leur est peut-être pas bon. Je sais pas, j'y ai jamais goûté. Pour rien au monde, je goûterais du lapin à la moutarde. J'aime pas ça, je te dis. Papa, il aimait ça ? Papa... Ton père ou mon père ? Mon père, maman. Papa. Il aimait quoi ? Le lapin à la moutarde, maman. Est-ce que je sais, moi ? On n'en mangeait jamais, j'aimais déjà pas ça. Il aimait le poulet rôti et la cacha, ça, oui. C'est quoi le cacha, déjà ? T'aimerais pas ça. C'est quoi ? Il aimait boire un coup avec ses copains le dimanche, oui. C'est comme ça. Pour lui, il n'y avait que les copains le dimanche qui comptaient. C'était qui, ses copains ? Est-ce que je sais, moi ? Des copains. Des copains ou des camarades ? Des camarades de jeu, oui. Il était joueur ? Avec ses camarades, oui. Mais vous vous entendiez bien, quand même. Qui ? Papa et toi. On était mariés. Ah, ben ça, je sais, maman, merci. On était comme qui dirait mari et femme. Et puis après... Je sais, sur après... Maman. Avant, c'était comment ? Avant quoi ? Avant, après, maman. Tu m'embrouilles ! Redresse-toi ! Ne t'avachis pas ! Ne cligne pas des yeux comme ça ! J'ai les yeux qui se ferment. T'as sommeil ? Non, mes yeux se ferment. La nuit, je ne peux pas fermer l'œil. Le jour, il se ferme tout seul. T'as sommeil ? Non. Pourquoi ta jambe bouge ? Ma jambe bouge ? Arrête de bouger les jambes comme ça, maman ! C'est pas moi qui les bouge. Tu veux faire un tour ? Quelle heure il est ? Tu veux qu'on sorte ? Qu'on fasse le tour du jardin ? Il est trop tard. Il fait encore jour. Le froid est tombé, tu viens trop tard. Je viens quand je peux, maman. Si t'es venue aujourd'hui, c'est que tu viendras pas dimanche. Je viendrai dimanche. Pourquoi tu cries ? Je ne crie pas. Si tu peux pas venir, tu peux pas venir, ça fait rien. Je viens tous les dimanches. Pas tous les dimanches. Presque tous, maman, presque tous. J'aime mieux quand tu viens le dimanche. Je viens le dimanche, maman. En semaine, c'est pas pareil. Toutes les semaines, je viens, et le dimanche, et le mardi. On est mardi ? Non, mercredi. Hier, on était mardi. T'es venu hier ? Non, j'avais ce débat, je te dis. Dis. Dis. Tu gagnes ta vie ? Je gagne ma vie. Tu gagnes ta vie en racontant comment j'ai souffert ? Non. Je vis de mendicité. Je finirai sur l'échafaud. Tu vois, en semaine, tu t'énerves. Le dimanche, t'es plus calme. J'écris des livres, maman. J'écris des livres. Ne crie pas, t'écris des livres, je sais. Ne crie pas, qu'est-ce que vont penser les voisins ? Ils sont sourds ici, les voisins, maman. Tout le monde est sourd ici. Je peux crier tant que je veux. Qui ça intéresse? Quoi, maman, quoi? Les livres que t'écris. Je sais pas, maman, ça dépend. Qui s'intéresse à ce que les autres ont souffert? Tout le monde a souffert. C'est pour ça qu'il y a tant de lecteurs potentiels, maman. Ça fait beaucoup de clients, toute cette souffrance, maman. Moi, j'aimerais pas lire des choses tristes. T'aurais peur de pleurer? Je pleure plus. Rien ne me fait pleurer maintenant. Pourquoi je pleurerais? Je sais pas. Avant, tu pleurais tout le temps. C'est fini, je pleure plus. Quel intérêt j'aurais à pleurer? Si je lisais, je lirais des histoires d'amour. Voilà. Excuse-moi, mais je n'écris pas encore d'histoires d'amour, maman. Tu devrais. C'est ce que les gens veulent lire. Tiens, bonjour, cher grand auteur. Alors, comment la trouve-t-on? Très bien, monsieur le directeur, merci. Dis-lui. Dis-lui quoi? Pour le lapin. Savez-vous quoi? Hier, mon fils est un mordu, vous a aperçu au début du débat. J'étais à la fin. Vous étiez très bien. Vous m'avez vu? Non, mon fils, c'est un mordu. Savez-vous qu'on ne peut plus la soigner? Dis-lui. Elle nous fait des allergies, elle tire l'arigot. Vous lui avez montré vos boutons? Dis-lui le poulet. Elle nous a fait des boutons, des plaques, des rougeurs, des crevasses. Et puis elle ne veut plus marcher. Dites-lui. Dis-lui le dimanche. Si elle ne marche plus, elle va se retrouver paralysée. Et puis ses fonctions, il y a du laisser aller, vous savez, dans ses fonctions. Dis-lui le dimanche, pas le poulet, le lapin. Non, non, non! Assez! Ça va comme ça! On est bien agité, mon petit monsieur. C'est bon, elle m'énerve. Qui êtes-vous? Toujours l'anesthésiste. Vous êtes en salle de réveil. L'intervention a eu lieu? La première, oui. Et Dieu? Dieu? Mon Dieu a d'autres chats à fouetter, I suppose. Dites-lui que je veux passer un dimanche, un vrai dimanche agréable, avec maman. Reposez-vous. Reprenez vos esprits. Tout s'est très bien passé. Restez bien sur le ventre. Le chirurgien est très content. Je peux le voir? Il est déjà reparti. Où? En week-end. Encore heureux qu'il soit venu vous opérer en fin de semaine. Dieu, je vous parle de Dieu. Je veux revoir Dieu. Vos comprimés? Je suis allergique. À quoi? À tire-larigot. Alors pas de tire-larigot. Voilà, marqué en gros, pas de tire-larigot. Reposez-vous, détendez-vous. Dites adieu, un dimanche heureux. Chut! Sage! Maman, c'est toi. C'est moi. C'est dimanche. C'est dimanche. On va faire quoi ce dimanche? Du poulet rôti. Non, à part ça, on fera quoi? On ira voir Pépé. Tous les dimanches? Tous les dimanches, oui. Pourquoi tous les dimanches? Il est malade, il est vieux, il est seul. Et après, on fera quoi? On ira manger à Kouglof. Et encore? Au cinéma. Ouais, on verra quoi? Ce qui jouera. Alors elle est lardi? Si ça joue. Maman. Oui. C'est lequel le gros? Lardy. Et le maigre, alors? Laurel. Je l'aime, Laurel. Et toi? Je l'aime aussi. Et Charlot, tu l'aimes? Je l'aime. C'est bien un Charlot, et pas de Laurel et Lardy, on ira voir un Charlot. On ira voir un Charlot. Et s'il n'y a ni Charlot, ni Laurel et Lardy... On ira voir n'importe quoi. Comme tous les dimanches, alors? Comme tous les dimanches. Un film d'amour? Non, c'est des bêtises. Un cow-boy avec des Indiens et un type avec une étoile? Oui, chérie. Maman. Maman, j'ai si mal. J'ai si peur. Pourquoi j'ai si mal? Pourquoi j'ai si peur? Tant qu'il y a de la vie, mon petit chou, il y a de la peur, avec un petit bout qui fait mal quelque part. Alors, on est bien? On est bien. On se retape? On se retape. On manque de rien? On manque de rien. Et les végétations? Ce sera pour la prochaine fois, les végétations. Et papa? Ton père ou mon père? Mon père. J'aimerais bien le voir une fois, papa. Alors, on parle tout seul? Est-ce que Dieu traîne encore dans le couloir? Dieu? Je pensais que vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? J'ai lu vos livres. Vous ? Moi. Et alors ? C'est triste. Quoi encore ? De voir que vous aussi, vous vous y mettez. Je me mets à quoi ? À croire en Dieu. J'y crois pas plus que ça. Il est venu me voir, c'est tout. Quand ? Tout à l'heure. Je vais diminuer la cortisone. Ça exalte. Vous vous souvenez de moi ? Vous êtes l'anesthésiste. Non, je suis l'interne. Le directeur. Quel directeur ? La maison où était votre maman. Maman. Je suis le fils du directeur. Maman. Je vous ai vu à la télé. Vous m'avez vu. À la télé ? Maintenant, je ne la regarde plus. Quoi ? La télé. Jeune, j'étais mordu. Maman. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Le jardin était beau, non ? Le jardin, oui. Allez, reposez-vous. Faites de beaux rêves. Dites à Dieu que je voudrais voir papa au moins une fois. Je lui dirai, si je le vois. Ferme les yeux. Papa, reviens. Papa, reviens. Bon. C'est toi. Qui veux-tu que ce soit ? Pourquoi je ne te vois pas ? Je ne suis pas représentable. Pourquoi ? Trop abîmé. Abîmé ? Qu'est-ce que tu fous en pyjama ? Je suis malade, papa. Malade à ton âge ? J'ai 62 ans, papa. Déjà. Et toi ? Mon pyjama n'est plus mettable. Non, toi, tu as quel âge ? 42 ans. 42 ans. 42 ans et plus une dent en or. Moi, j'ai mes dents, papa, mais j'ai plus d'appétit. Dis-moi, petit. Quoi, papa ? La vérité. Quelle vérité ? Les hommes. Oui, papa. Les hommes ont compris. Compris quoi, papa ? On ne chasse plus l'étranger dans les rues des villes grises ? Non, papa. L'argent ne règne plus en maître sur le monde ? Non, papa. L'ouvrier travaille dans la joie ? Et chacun reçoit selon ses besoins ? Oui, papa. Les enfants du monde entier mangent à satiété ? Oui, papa. Et ne tremblent plus sous les bombes ? Non, papa. Nul être humain n'est discriminé du fait de sa naissance ou de ses origines ? Non, papa. Les frontières sont abolies ? Les nationalismes vaincus ? Oui, papa. L'homme n'est résolument plus un loup pour l'homme ? Non, papa. Oui, papa. Eh bien, c'est à nous. À nous, vous le devez. À nous, les dernières victimes de l'aveugle barbarie dont les cendres éparpillées fertilisent les plaines de l'Est. À nous les sacrifier, les rafler, les brûler. Oui, papa. Alors qu'est-ce que tu fous encore en pyjama ? Le monde est à toi, nous te l'avons légué. Oui, papa, merci, papa. Tu fais quoi comme boulot ? Papa, je suis retraité. 62 ans et déjà retraité. En vérité, nous avons bien travaillé. Avant, j'écrivais, papa. T'écrivais ? Oui, papa, j'écrivais. Mais pour vivre ? Justement, j'écrivais pour vivre, papa. À l'humain ? Pas exactement, papa. Moi aussi, j'aurais aimé écrire sur la vie des ouvriers casquetiers dans l'almanach ouvrier paysan, mais... Tu étais casquetier, papa ? Non, pourquoi ? Dis-moi, papa, c'était comment, maman et toi ? Qui ? Maman, ma mère et toi, c'était comment ? Quand ? Je ne sais pas, le dimanche. Le dimanche ? Oui, le dimanche, c'était comment ? Bah, tu vois, on était pour ainsi dire mari et femme. Ça, je sais, papa. Puis après, il y a eu... Je sais tout sur après, papa. Mais Avant. Avant. C'était comment? Quand? Le dimanche, papa. Et le dimanche, j'allais au café le matin? Avec maman? Non. Politiquement, elle était plutôt tiède. Et l'après-midi? J'allais prendre l'air l'après-midi. Avec maman? Non. Pourquoi pas avec maman, papa? Elle aimait pas les chevaux. Elle allait voir son père. Et le soir? Moi, je me couchais, j'étais crevé le soir. Avec maman? On était mari et femme, je te dis. Mais entre vous, c'était comment? Entre nous? Vous vous disputiez. Et on était... Mari et femme, je sais, papa, je sais. Et pourquoi t'es nerveux? Je suis pas nerveux, papa. Si t'es nerveux. C'est la première fois qu'on se cause, papa. À qui la faute? Je ne sais pas, papa. Ne pense plus au passé. Jouis de la vie, jouis. Je ne sais pas, papa. Tu sais pas quoi? Jouir. Apprends. À 62 ans. Il est temps, c'est sûr. Papa, dis-moi, tu vois maman? Où ça? Là où tu es. Où je suis? Oui, tu la vois. Elle est où, elle? À sa droite. À la droite de qui, mon Dieu? À sa droite, papa. Reprenons. À la droite de qui est-elle, fiston? De Dieu, papa. Mais de qui tu me parles, là? Papa, c'est bien lui qui t'a permis de venir, non? C'est toi, toi qui m'as réclamé, non? C'est moi, oui. Dès que tu m'as réclamé, je suis venu. Tu m'aurais réclamé plus tôt, je serais venu plus tôt. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça? Pourquoi t'as la même voix que lui? Que qui encore? Vous alliez au cinéma? Qui? Et le cachat, t'aimais ça? Quand on a faim. La vie était dure, très dure, et si on n'avait pas tout fait pour que ça change, elle le serait encore et tu mangerais du cachat. Papa. Quoi? Pourquoi j'ai si mal? Pourquoi j'ai si peur? Tu serais pas un peu pleurnichard comme ta mère? Je ne sais pas, papa. Tu aimes les chevaux? Je ne sais pas, papa. Tu sais pas grand-chose? Je ne sais pas grand-chose. Alors écoute... Oublie le passé. Jette ton pyjama, lève-toi et marche, pauvre orphelin. Maman et papa ne reviendront jamais. Maman revient pauvre orphelin, de Jean-Claude Grimbert. Michel Bouquet, Christiane Coendi, André Dussolier, Victor Garivier, André Wilms, réalisation Georges Perroux.